Chapitre 5e. Claire fut, naturellement, la première pensée de Madame Roget qui s'écria tout de suite « Amenez-nous la petite !» Pendant que la bonne allait chercher l'enfant, terrifiée à cette apparition de la mort, le seul danger auquel elle ne pensait pas, qui les frappait ainsi brusquement, au milieu de leur paix, elle éclata en larmes et en gémissements. Puis, suivant son habitude de femme un peu passive, qui cherche d'instinct son appui le plus facile et le plus sûr, elle voulut se réfugier auprès de son mari. Le désespoir dont elle le vit atteint arrêta net l'essor de son propre chagrin. M. Roget, en effet, subissait le choc de la nouvelle inattendue avec une intensité de douleur dont il lui était impossible de n'être pas saisi. Il s'affolait et se décomposait, et ce n'était pas seulement la douleur qu'exprimait sa face ravagée, ses yeux hagards, ses gestes éperdus, c'était plutôt un effort suprême pour dominer son désespoir, pour étouffer ses sanglots. Arrachée à elle-même et aux pensées du moment, Madame Roget le considéra un instant avec stupéfaction. « Qu'as-tu ? » demanda-t-elle. Il balbutia. « Rien. L'émotion, c'est naturel, n'est-ce pas ? Pouvait-on s'attendre ? Mon Dieu, oh mon Dieu !» Puis, vaincu, il se jeta dans les bras de sa femme en sanglotant avec des paroles incohérentes. « La pauvre, ah la pauvre ! La pauvre, morte, morte, ah, est-ce possible ? Dis !» Madame Roget ne pleurait plus. Son chagrin coupé, elle observait, un pli méfiant au front, cet homme qu'elle savait froid, réservé, maître de ses émotions, peu sensible, et qui, pour la mort d'une étrangère entrée par hasard dans leur vie, si peu croyait-elle, s'abandonnait ainsi à l'excès d'une douleur passionnée. L'entrée de Claire fit une diversion. Elle pleurait aussi. Elle appelait sa mère. Elle tendit les bras à son amie, comme pour lui demander tout l'amour qui soudain lui manquait. Madame Roget la prit sur ses genoux, la caressa, la câlina, et la petite, avec la mobilité de son âge, se laissait bercer par cette nouvelle tendresse. M. Roget, à son tour, la couvrit de baisers. Il lui disait, à travers ses sanglots, « Pauvre petite, seule, abandonnée, abandonnée à présent, mon Dieu !» En le voyant se désoler ainsi, l'enfant se remit à pleurer. Alors il sortit, sans prendre garde à sa chemise défaite. Il courut au petit pavillon. Il resta longtemps. Qu'y aurait-il pu faire sinon contempler la morte? Il revint et déclara. « Il faut que je sorte. Il n'y a personne pour s'occuper d'elle, personne. Il faut l'enterrer pourtant, n'est-ce pas? Pas de parents, pas d'amis, rien que nous, je ferai le nécessaire. » Sa femme lui dit très doucement. « Va, mon bon ami. » Il errait par l'appartement avec des airs de bête blessée. Lui, dont les moindres habitudes étaient réglées, il chercha son chapeau partout ailleurs qu'à sa place accoutumée. Sa femme, qui le suivait d'un regard lourd, tenace, lui demanda « Qu'est-ce que tu cherches ? Mon chapeau ?» Elle le lui donna en disant « Il était à sa place. » Il répondit « Ah, je ne sais plus ce que je fais, je ne sais plus. » Resté seul avec Claire, qui se serrait contre elle, sans rien dire, avec des regards désolés de ses grands yeux pleins de larmes, Madame Roget réfléchit. C'était comme si, soudain, une grande clarté effrayante se fût faite dans son esprit. Quoique mille questions angoissées la troublassent encore. Elle ne comprenait pas tout, sans doute, mais elle pressentait le drame qui se passait cette heure dans le cœur de son mari. Et pour le mieux pénétrer, elle se mit à interroger ses souvenirs, à remonter la chaîne des incidents qui, depuis 3 années, se développaient autour d'elle, à en tirer des déductions de plus en plus précises et plausibles. Elle en était sûre, maintenant. Il la connaissait déjà quand il vint visiter la petite maison. Ensemble, ils jouèrent ce jour-là une misérable comédie dont ils avaient d'avance établi le scénario et préparé les rôles. Mais d'où, de quand se connaissaient-ils? Cette question demeura sans réponse, une autre se posa qui vint ébranler sa certitude. Comment la voyait-il, lui dont la vie était si régulière, qui sortait si peu et semblait toujours rendre un compte exact de ses sorties? Que d'ingéniosité il avait dû dépenser! Et quel chef-d'œuvre que de l'avoir amenée enfin tout près de lui, chez lui. Mais non, car depuis qu'elle habitait le petit pavillon, il devait avoir plus de peine encore à le voir librement. Alors, pourquoi l'avait-il logé si près de son ménage? La pauvre femme se morfondait sur ces questions complexes, sur cette énigme dont elle ne possédait pas la clé. Une idée lui vint qui, un instant, lui parut juste et tout résoudre. Les passions s'usent. Entre gens qui se sont aimés, l'heure arrive toujours où il n'y a plus qu'une affection paisible, qu'un tendre besoin d'intimité. Eh bien, Quand il se décida à la loger si près de son ménage, elle n'était plus pour lui qu'une amie, à qui il attacha encore une espèce de devoir, ou la pitié, ou peut-être un sentiment commun. Claire. Claire expliquait tout. C'était sa fille. Il la voulait près de lui. Il ne pouvait vivre sans elle. Il renonçait pour elle à ce qu'il y avait de plus coupable dans ce lien distendu qui l'unissait à sa complice. « Oh, Claire !» Cet appel échappa, comme un cri, à Madame Roger. Et comme l'enfant levait sur elle ses grands yeux, elle lui prit la tête entre ses deux mains et se mit à la contempler longuement, en étudiant son visage, en y cherchant des traits de ressemblance. D'emblée, elle en trouva dans le haut de la figure, dans les lignes du front, surtout. Puis elle pensa se tromper. C'était une erreur, une illusion. La bouche, plutôt, le menton. Ah, tout cela était incertain. Comment rien conclure de ces rencontres douteuses, qui ne sont que hasard ou qu'on peut discuter? Est-ce que les amis ne trouvent pas, les uns, que le même enfant ressemble à son père, les autres qu'il est le portrait de sa mère, tandis que les plus vieux vont chercher parmi les ascendants de plus lointains modèles? Non, les visages gardent leur mystère. Mieux vaut chercher d'autres signes, moins matériels et plus sûrs. Ainsi l'affection de M. Roger pour Claire, d'autant plus étrange qu'il avait toujours détesté les enfants des autres, comme s'il leur en voulait de répandre autour d'eux un bonheur qu'ils ne pouvaient connaître. Quel pauvre argument! Est-ce qu'elle-même, sans être mère, n'adorait pas aussi ce petit être que le hasard avait placé sur leur chemin? Non, non, nul indice ne venait l'attirer, avec la sûreté qu'elle souhaitait, de ses doutes plus torturants que la pire servitude. Et pourtant, comment repousser la voix qui crie en elle, comment réfuter la preuve qu'elle sentait dans son cœur? L'affection que Madame Roger gardait à son mari n'était point un amour ardent et jaloux. Elle n'avait pas non plus d'amour-propre. Ce sentiment tout personnel, qui chez tant de femmes envenime en s'irritant les blessures du cœur. Pourtant, elle se sentit tout à coup très malheureuse, aussi malheureuse que si elle l'eût aimé de toute la passion que décrivent les romans. Et il lui sembla que les assises de sa vie chancelaient et s'abîmaient dans un mortel effondrement. Ainsi, depuis des années, entre elle et lui, il n'y avait eu que mensonge, mensonge sur mensonge, accumulé par la suite des jours, par le déroulement des habitudes. L'attachement amical qui lui témoignait était mensonge. Mensonge le plaisir qu'il affectait d'être auprès d'elle. Mensonge sans soin de l'écouter, de la consulter, d'entrer dans ses idées, de s'intéresser à ce qu'elle disait, à ce qu'elle faisait, à ce qu'elle pensait. L'autre était là, sans cesse, entre elle et lui. Elle, il la souffrait, il la gardait par respect humain ou par pitié. Mais ses tendresses allaient à l'étrangère et à l'enfant, les cherchant loin, d'abord, dans ce quartier d'Éterne où elle demeurait autrefois, paraît-il, jusqu'au jour où elles furent installées tout près, à deux pas, et purent à leur aise, le conquérir tout entier, sans qu'elle, l'épouse, songeât seulement à défendre sa place, ses droits, son affection. Madame Roger avait renvoyé Claire, qui s'était assise dans un coin sur un petit tabouret, bien tranquille, comme pour se faire oublier. La tête basse, le front plissé, elle se plongeait dans ses amertumes, cherchant dans sa mémoire les détails qui pouvaient les rendre plus cruels. Soudain, une pensée vint les adoucir. Sur tout cela, sur cette liaison coupable, sur cette tergiversation honteuse, sur ces ruses dont elle était victime, sur ce tissu de mensonges, la mort avait passé. Qu'en restait-il, mon Dieu? Un peu de douleur dans le cœur d'un homme, qui s'apaiserait comme s'apaisent toutes les douleurs, un pauvre cadavre qui disparaîtrait demain, et le petit être affligé, pensif sur son tabouret, dont les grands yeux confiants cherchaient le regard de celle que sa vue offensait. Madame Roger eut un élan. « Claire, chérie, viens !» L'enfant se leva, heureuse d'être rappelée, et courut à son amie qui la couvrit de baisers. « Ce n'est pas ta faute à toi, non. Je le sais bien, ce n'est pas ta faute. Pauvre, pauvre petite. Ah, si seulement j'étais sûre, si je savais. Mon Dieu, comment savoir ?» Puis, comme frappée d'une aspiration soudaine, « Claire, écoute !» Elle s'arrêta. Ce qu'elle allait faire lui semblait abominable. Pourtant, sa passion fut plus forte, et d'une voix qui tremblait, elle demanda « Dis-moi, Claire, est-ce qu'il allait souvent chez vous ?» L'enfant la regarda de ses yeux limpides, étonné de cette question. « Oh oui, tante, souvent. Tu sais bien. » En effet, elle le savait. La réponse de Claire n'ajoutait rien à ses doutes, ne diminuait en rien ses soupçons. Elle reprit « Claire, dis-moi, est-ce que ta maman te laissait souvent seule ?»« Oh non !» J'étais toujours avec maman, moi, toujours. Pourtant, elle sortait quelquefois. Oh oui, Elle allait faire des commissions. Est-ce que tu allais avec elle ? Oh non, pas toujours. Les enfants se contredisent sans cesse quand ils ne comprennent pas le sens de nos questions. D'ailleurs, que signifiait tout cela ? Aussi bien que la petite, elle savait que Madame Audry sortait rarement seule, et cela ne prouvait rien, rien pour le passé du moins. Voyons, Claire, comme ce Roger n'était plus là, est-ce que ta maman parlait de lui ? Oh oui, et de toi aussi, tante. Qu'est-ce qu'elle disait ? Est-ce que tu te rappelles ? Oh oui, elle disait, Monsieur Roger est bon, très bon, il nous aime bien, et Madame Roger est bonne, très bonne. C'est tout ? Oh non, hier elle a dit, maman, il ne faut pas faire de bruit dans le jardin pour ne pas déranger Monsieur Roger. Il n'aime pas le bruit, Monsieur Roger. Voilà. Madame Roger passa sa main sur son front. C'est absurde ce que je lui demande, pensa-t-elle. Puis après un silence, elle recommença. Écoute, chérie, avant de demeurer ici, est-ce que tu connaissais déjà Monsieur Roger ? L'enfant comprit mal. Je ne sais pas, dit-elle. Voyons, tâche de me dire. Avant de demeurer ici, dans ce petit pavillon, vous étiez dans une autre maison, ta mère et toi, n'est-ce pas ? Oh oui. Tu te rappelles bien ? Oh oui, il y avait une cour avec un gros chien dans une niche. Bon. Eh bien, est-ce que Monsieur Roger allait chez vous alors ? L'enfant regarda dans le vague, averti peut-être par un instinct secret, ou réellement n'ayant pas ce souvenir. Je ne sais pas, répéta-t-elle, et Madame Roger murmura. Ah, je ne saurais rien, rien. Elle se plongea de nouveau dans ses réflexions, tandis que Claire, la voyant absorbée, s'en allait doucement se rasseoir sur son tabouret. Et voici qu'une tentation nouvelle se leva dans l'âme de Madame Roger. Elle savait que son mari enfermait certains papiers, que jusqu'alors elle croyait n'être que des papiers d'affaires, dans un petit secrétaire dont il prenait toujours la clé. Pourquoi n'irait-elle pas demander à ce meuble passif le secret qu'il gardait peut-être ? Sa loyauté protestait contre un tel acte, de même que tout à l'heure sa délicatesse d'âme se révoltait à l'idée d'interroger l'enfant sur les fautes de la mère. Pourtant, elle refoula ses scrupules comme les précédents. Honteuse, frémissante, mais résolue, avec des précautions et des émotions nouvelleuses à son premier larcin, elle alla fouiller les poches des vêtements de son mari. Elle ne trouva rien. La clé ne le quittait jamais. Et cet obstacle nouveau l'irrita. « Oh, je saurai !» se dit-elle. « Il l'oubliera bien une fois, je pense. Et alors, je saurai !»